frappé. Prenez que c'est son carnaval. C'est fête la joie, c'est fête la gaieté. Dans mon petit monde, pour aller bambocher. Avec coupé à pied, pas frappé. Il va le en aller. Arrête les chita, cognez son bail. Il n'est pas commencé. En aller. Arrête les chita, cognez son bail. Il n'est pas commencé. Chérie, mes coupés, ma soeur perdue. Chérie, mes coupés, ma